neex c'est à dire que pour ñom nga manam pour seen jëkkeur dab seen banex lu jafé lay doon ci ñom légui nak ce qui fait que sa yu jëkkeur di ñëwé ñom dañ koy bëgg sax sa yu jëkkeur di ñëwé rek ñu bëgg ko sax bu ñëwé ñu bëgg ko sax bu à un moment donné jëkkeur di day def bu waccé lu ñu bis day daw Ah, mo kene na bami daw ndaw sa ndaw xamul fu ndaw sa xamul fu mu def bon pour te lolou am solo manam ci ngay xame ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ke ni manam limu diglé ci walu gogou lol nak ci cadre dagan la tollu donc lol moy li nga xamanteni mom moy li ëpp ci borom xom rahmatullah li nga même bude shafi'i rahmatullah par exemple ñom dañ japp ne xarafal jigen ci bopam sax farata la par exemple ñom ñom dañ japp ne jigen di dañ ko wara xarafal mom ci bopam comme ni nga xarafalé goor borom xom rahmatullah dañu wuté sax ndax goor farata la wala du farata jigen farata la wala du farata et cetera mais li ñu mëna teunk comme li al imam ibn hazm rahmatullah wax moy xarafal goor ñepp depp wonañ ci ne sopp nañ ko et que xarafal jigen dagan na tekantal bobu lu mata baye xel la ci ñaari point point bu ñëkk bi moy ñu xam lan la point bu ñëkk bi moy ñu xam lan la sharia permettre ak lu mu permettre lool moy bu jëk ñu xam lan la sharia permettre ak lu mu permettre ba nga xamantene ñu xam lan lañu wara mëna défendre ak lu ñu wara to mëna défendre parce que tamit mënuma tok di défendre ben mbir mo xamantene dama ko tégg rek ci sama mam moko dañ def lool mënuma ko il faut que mu may défendre ma défendre lo xamantene deppona ak lan ak sharia lool moy ben ñaarelu point bi nak mom moy sama yoon baña nek ci ban gis gis le ñunul julit ni di am ci li nga xamantene mom moy li sharia tu bu ñoom ñepp buñ deppo won ci ne li baxul fekk baxna bu téra baxna parce que mbir yi kat da ngay xamne problème culture la problème civilisation la yenn yi la wax du bi wax mo bi de yenn yi problème culture la problème civilisation la ak problème époque amna yo xamantene tay amna buñ délo fukki at ci ginnaw dañ koy ñaawlu té légui dañ ko rafetlu am yo xamantene et cetera manam mbir mi day évoluer donc mënu ñoo top nak ay humeur ay nit ñoo xamantene duñu julit duñu dara hein top seen ay humeur né dañuy bayyi lan dañu bayyi xara dañu bayyi li yantou sallallahu alayhi wasallam jangale lolou du mën na sauf que tamit mënu ñoo bayyi tamit kenn ku ci nekk ngay def lula neex ba para tuddé ko sharia lolou tamit duñ ko man ce qui veut dire quoi limi tek ci moy ñi nga xamantene ñom ñoy association yoy di lutter contre excision ak yoy ñun li ñor mëna wax rek moy yeen li ngeen di kaas leen ko ñu jappalé leen ci kanta li nga xamantene mom la sharia digël nak par contre lool mom bu leen ko laal lool lañ leen mëna wax parce que li ñuy kaas quand même quel que soit la situation quand même lu légitime la parce que li ñuy kaas de quel que soit la situation légitime la objectif bi ben la wala du ben lool après benen affaire la ñun nak ñom bokku ñu objectif wala ñoko bok après lool benen affaire la mais nak li nga xamantene mom moy injustice bi ñuy kaas quand même nañ d'accord lool injustice la ak kuko meuna défendre parce que deug nak fu meuna jogé deug rek la tuddu mu dess lan li nga xamantene mom sunna la ko bëgg xam bismillah bo ñëwé ñu wax la li moy sunna li lañ jang ñun li lañ xam li moy sharia et cetera li la yëneentu sallallahu alayhi wasallam jangale té biñu xolé parce que bi sharh hadith yi nga xamne mom la soxna faatu doon dundu legi ci amdatul ahkam biñ ci tollé dama xol dama dem ci site OMS wa OMS xol ñom lan lañu tuddé excision ma xol effectivement lan lañu tuddé ñom manam lan lañu casse ak lan lañu défendre est-ce que li la wala du li wala lenen la bima ko xolé nak dama gis né ndékété gaay bokku ñu sax li ni wax li yentou sallallahu alayhi wasallam doon wax ak ñom li ñi casse xajul bay nekk sax ben du même sujet du ben affaire té yahya waxna ma néma mom amna ben mbokam manam médecin bo xamantene manam yahya tubab motax may wax wala waxuma yahya ñonki wala waxuma yahya seydou yahya tubab mu né mom amna ben mbok médecin bo xamantene bi mi waxtaan ak mom bu tuddu circoncision bi dañ effectivement même circoncision ci jigen sax ñom médecin xam nañ né lu bax la. Par contre, excision mo nek lu baxul te excision ken munu ko def goor parce que excision boko defé goor day dé ah day dé kat day wé ko dé yalla ñu yalla sax wallahu a'lam hein non day dé sax ay waxuma lu dindé goor la ma ta sax day dé kon sëñ bi yéfer yéfer bu mag bu dara dugg ci l'islam kenn duko wax ni da nga wara xaraf Sénégal wala wala na da wala wala wala no day day wara xarfal souvent nak gis na ni jigen ñe koy wax wa gis na lool gis na ko sennu na lool gis na ni lool la lay wax ni la sennu na rek gis nga leg nga gis ku bëgg tu bëgg yoy nga gis mère surtout di gas na xarfal man bu ko def mo comme limu koy gis dama xawa bari nak legui dama man sa bop dama poser une question mais xana xarfal gi mom da am secret bu ci ne wala ala kulli halin ak lu meuna xew xarfal borom xam xam yi dañu wuté lool la lay wax ni dañu wuté ndax xarfal goor farata la wala du farata dañ ci wuté té ginnaw lool amna surtout mak nokoy xarfala té parfois mën na metti trop ci mom day metti trop ci mom bokul mais nak buñu lan man ni youtube ko leer gaay dañu day gaay anesthésie wa mën na yomb wa mais day yeex ki nak mais day yeex wer wa para wa deug la wa parce que infection yi nga xamantene ñom ñoy am ci maladie sexuellement transmissible. Non, dafa am ñaar dafa am maladie sexuellement transmissible ñi ñul xarfal ñom ñu upp chance 70% de chance pour am ko lolu ben la mais dafa am mu am legui nak wa moy MST mu am nak infection urinaire ñoy tam souvent xalé yi nga xam tane duñu xarfal dañu gis ne xalé yi du xarf xalé yu xarfalu li ñom ñokoy faral di am ki du xarfal manam xalé bi xarfal mom infection urinaire presque ñom buñ ko xolé taux bi dafa tout 5% la rek à peu près ci ñi nga xamantene ñom la dal ci ñom yoyep tam da ngay gis utilité bi nek ci xarfal légui mu dess benen affaire moy farata likoy rendre farata wala mu wañe nek farata surtout ci ma ci ñen ci borom xoxami rahmatullah moy problème sobe ak ñak nek sobe ma am sobe bi laqatu ci ginnaw der bi nga xamantene ha ginnaw deru ki nga xamantene la lañ ko xarafaluñ ko ak yoy be ala kulli halin dal pour parce que nangam farata la bu dafa gëna nakare wax nangam yonal nañ ko ak nangam xarafal nañ ko du ak farafal nañ ko du ben farata dafa gëna nakare wax da boroxo ci comme ci niñ ko ki ci hadith bobu boroxo bi da ngay gis dañu wouté lool ci masala bobu ba paré sen dalil yi yi wone ni farata la comme Shafi ñam ñi ñaan rahmatullah alayhi wax ci rewone harfa la batay dal lo leer manam gisunu lu leer lu wone ni harfa liñ mëna wax dal moy luñu sopp la comme ni nga xam non lañ wax manam luñu sopp waaw ba para tamit def ko mo gën fouf bañ ko def c'est fortement recommandé même bu dé amna ñu né farata la wallahu ta'ala baaxna ba yere bu takké so dem bo wa wa legui yere bu fekkante dafa tak sobe mu dem ba wo kong legui soko soko xose legui fofu dafa am ñaari possibilité possibilité bu ñëk bi moy trace sobe bi nek ci batay ci kaw yere bi benen bi mom moy trace sobe bi deñ na ci loolu yëpp moy bu fekkante ne sobe bi tuuti wul tuuti bo xamantene def nako jéggalé mais su fekké né sobe bi dafa bari mom motax ñu wax boba sokoy dindé boko xossé ba mu deñ ba nga xamantene légui trace bi mi ngi ci ba tay du téré nga war ko raxas mais su fekké né trace bi nekkatu ci comme tay budé dérèt la tak wala mu nekk tak lo xamantene dal xeyna loolu bu wowe boko xossé rek day daal di deñ manam jëmbi ci bopam day deñ lepp deñ doot ci bayé ci trace bu wowa nak loolu lañ la wax né la borom xam xam ñom ci loolu lañu wuté rahmatullah alayhi ñi nga xamantene mom moy liñu gis né manam mo gëna dëgël inshallah moy né du nekk manam dina lap ba mu dess kena lolu ci yi nga xamantene jëm lañ am la mëna nek mais mënul nek ci nga xamne amuñu jëm comprendre yo xamantene da fay am jëm mais day toy li tak ci yaram bi ci der bi ci yere bi ba para mu nek ci bir manam nga xamne daf koy absorber kok mom duma nek la bu da nga ras wallahu ta'ala amma masala bi moy ana nakala ni wulé ak lan moy lan manam wulli mécanisme bi lan la wulli xam nga dafa am ay façon wulli mom moy jëmmi traitement bi nga xamantene mom lañuy def pour der bi mëna talaliku complètement ba nga xamantene dinañ ko mëna dinañ mëna am usage bi té ragaluñu mu am ak yakku yakku bu am ci mbir bi e ya ragalu mu dem neup wala mu yakku wala yo xam nga der buñ ko wulliwul bu yagge day neup wala bu neugul tamit day lan day yakku da ngay gis wa banku après bu banko muy jekki di yakku ay sax di ci jaar et cetera ak yu mel non lolou le fait que ñuy dindi lolou nonu mécanisme manam li tax mu lolou mëna am ñu mën ko talal bo xam tane day tax lolou manam lolou wul talal gogu jëmmi talal gogu defar gogu mom moy wulli lolu nak mo xam lan na luñ ko mëna défé ba résultat bobu ñu mën ci yexi day da di mëna day da nek lo xamné lu mëna lu bax lay doon luñ mëna jëfëndiko lay doon wa légui nak mbir mi tamit après day da di aju ci lan nga bëgg def lan ci lan nga ci bëgg jarignu wa comme bu bëggé défar sa cuir bi xam nga bok sa yéré bi reste bi xam nga bok dëkk wala bi ci gëf fot ay taw man question bi mom moy li nga wax sank ci dér bo xamné ma ko modu ñoo wulli ko wa naka lañ mëna laccé ndax modu moko mom wala mako mom parce que en fait wa parce que wa non li ma li lérul ci man rek mom moy lan mo tam ya ko mom wa même bu fekké dañ ko négliger le fait que kay ñeu wulli ko rek li poser wala question moko mom lolu day indi du benen buntu moy bo amul benen bien tam bo négliger wa keneen am ci soxla mu jëfëndiko rek dañ nan moko mom voilà question mo bo xamna question mo wa c'est dire que bi yow manam cause masala bi ci bopum nga tek manam masala bop dañ ko qiyasé li tax moy dafa am borom xam xam ñoo xamna rahmatullah dañ ko et ni yow paré bu no dé xara dafa am la non mais ñi mag ñi tamit ñi ngi doon wax wa ba nga ni mais tonto guma wax laaju musse xara musse ba tonto musse après ga gida voilà en fait question yow sa question bi dañ ko qiyasé ci ci luñu wax ardu ma wat manam moy souf so xamantene man mako momon mais dama ko ray manam dafa dé manam souf ci kiko dundalat moko mom tay suma momé ben souf mako momon à l'origine mais dama dem tukki ji bayiko ay at nangam nangam kene jëfëndiko gi ben way ñew fekk mu ki mu dem gor ko défar ko ki ko tabax défar bo mbax ko ko mom légui non yow tukki mën nga bañ tukki sax mais xey na amoto ku lako défar lolu déme non souf ci non lool la c'est à dire que souf lool c'est important il y a un droit à la possession au titre. Voilà, c'est pas du tout. Voilà. Non, si. Parce que tay xam nga tay bu doon dama daan bay, xam nga en fait, lool faut nga naté ko ci jamono yo xamantene loi yépp amuñu won. Il faut nga naté ko ci jamono yoy. Nga xamné loi yépp amuñu won yo xamné dañ nan ay le titre foncier yoy amuñu won. Comprendre? Tay bu fekkentene dama ñëw souf parce que souf en fait ken momu ci dara dañu ñun ñëpp dañu ñëw fekk ko après ñu gor ben dekk wala yoy non ko xamne nak mo daan bay fenn goron kon diko bay xam nga mom dañuy wax ne moko mom mais su démé ba nga xamantene légui bayyi nako dem na yonam ba affaire yi saxa yaay yu nekk garab yi jog et cetera ben way ñëw gor ko defarat ko koko ko mom légui moy xana way ko defal ken mo xol ni ci dafa am c'est à dire que batu c'est que da nga fay ne diko defal diko topato mais lolou mo jaadu tay no dafa ndank xam nga tay bokku nak li nga xamne dama ko jënd xam nga tay legui yow bo beugé souf dang koy jënd d'accord tay ji ñu nek ni aduna bi may dund ku bëgg suuf da ngay dem wuti di titre foncier am ay crédit yu bari yu ñu la wara signer bu deug nga joxe xaaliss bu bari voilà bari kay voilà légui nak alors que bobu jamono yu ñëkki lool amul won jamono yu ñëkki da nga daan fekk ben all ni nga gis ni all la nga gor all bi tabax sey tikur sey dekk nga ni fi moy hein keur Babacar Ndiaye nga dadi tuddé dekk bi keur Babacar Ndiaye ko jé ñepp nan non c'est vrai voilà ay medina nangam nga tuddé ko medina nangam medina ñaan ay jaxa non rek lañ da def non la def ci jaxu fiñ dekk ñun medina ñaan wa ñu dekk ko excelé medina ñaan ko non mais c'est vrai non rek affaire bi amul leneen légui nak tay bu fekkene na souf ci dama ka jëlul diko bay wala ma dekk ci wala yoy ma daal koy baye dem mu gënt mais kenen ki ñew dundalat keur gog dundalat dekk fofu nonu terrain bobu mais koko ko mo ah attention deul waxuma lol non parce que legui mom ñom ñoko mom parce que souf ci legui dañ ko délimiter ba paré bay wuñ ko nonu voilà voilà mo ngox utul ko ay régal utul ko ay crédit utul ko ay yes alors voilà lol bokul ak li nga xamantene comme mo daan xew avant xawu baxam lan motax ko xawu sama explication mo leerul wala ci voilà utiliser ko mi ko tek fogu non melni comme mo abandonner wa wa parce que ko abandonner day leer ni ki momatuko wa la legui yow instant bi ni da ngay raisonner comme ni nga xamantene nonu la kinane ku ñëk ke ko mom ba légui manam sama digënté ak Modou man mako mom ba légui yow instant bobu ci raisonnement bobu nga né dara wone wul bi voilà ci momatu ko okay ñu rek défal ko voilà mais bimu koy défal voilà mu momul la jël diko défal voilà donc pour man bu ko défalé ba fay tamit mom ko ba légui exactement exactement alors que ñi nga xamantene ñom dañoo wax né ñoo waaji moko mom Modo ko mom légui ñom dañ ko xiyasé ci souf soosu mala doon wax sank comprendre c'est que même pour ça Sénégal tass quoi ñu toggé ba ngone ma tay dañuy ci xal ñi di défar sen tax bon ñu xam nga dañuy jall ci ramasse yi nga xam nga nek ci kon gi wa dem pour défar mais nak wa wa mais day fekk ci buntu keri lay né fekk sen borom ñu ci club bi am non fekk sandé guñu ko sandé tax xam ni gaay dañuy jaar ci peur waaw mais xam nga néwul ci al buntu keri lay né gaay dañuy défar tax ana tan ngi laxé wax moy sa ci parce que génné mi ko génné da ko génné parce que xam nga gaay buñu jaar waa mais ak lu mën ci wax wal wa legui tay bu moko tegon nonu fek fek waji ñu na jël mais wala waji jël ko fek man sa dum mo wala xamni ñepp wala ah non wala mais fofu du ko bel mais non wala tek na ko fofu ñepp di gisse wala mais c'est bon du pas principe bu balwa ki dafa fu ñu fo xamne fa ñuy sanni magi wala mais fiñ ko tek fi waji jëlé der bi fofu do fo xamne dañ ko fa sanni wala session yoy par exemple mën na delu soir fofu tabaski Senegal le plus souvent gaay buñu rendé xari ba bari moment bobu ñom dañu ñoo lañ julli ci dafa ñu xari ñom moment bobu lak yap yi lañuy tar taluñu défar der der le plus souvent le lendemain lañ koy défar le plus souvent duñ ko défar ci jour bi même voilà voilà légui ala kulli hal débat bi ni dafa am lenn lu ñuy jariñ moy ñu comprendre question bi nga poser que ni légui nak ça dépend ki nga xamantene dafa japp né le fait que ma tek ko nonou ci buntu bi lolou day tekki ne dama ko négliger day tekki ne xeyna war dañ ko meuna jël bu boba motax tekantal bi ñu wax ne bi ci gëna deugër moy tekantal bi moy ne su fekkata dama ko bayyi totalement bu boba bu ko ké défaré duma wël ba ci ko daan sama der la won do dama ko meuna waxat parce que question bi tam déposé ko affaire bi mako momone à l'origine té mayu maloko clairement parce que batou may day am ci am ma may la wala ma expression bu koy wal donc mayu maloko clairement mais yow ya ñeu jël ko légui nak ak benen question légui ku nga xamantene dafa gissé comme yow ni nga gissé moy na wala lool rek la moy na téxantal bi fofu la kon boba dañuy sét rek su fekk na waaj nak da ko jël té mbir mi lim gëna djégé moy né ah mom waaj comme ci biir kër gi lako tégon xeyna fi ko ték mo bunté rek mu djël ko yobbu boku ték ki nga xamné da nga ték tibbi ci té bënduma nga xamné dañ limi gëna ték moy xeyra ku mu neex djël ko bismillah ko lan waaw waaw waaw fofu dëkk bu spécial la voilà for dafa am tekantam meuna for lo xamantene c'est que buma foré lo xamantene bari wul tay suma foré lo xamantene bari wul tax ko bari tay par exemple nit ñi duñ koy faral di jox importance bu reuy bu boba meuna ko jëfëndiko comme tay suma rombé fi ben 5 euros ci mbedd mi mo for ko li man damay leer ni borom du fi nek sawé du ko jaral muy wër ay wër ay ki nan 5 sobu 5 euro dafa rër non manam dama moy bi deug waaw da rek dama ha waay bu ma foré 1000 euro 1000 euro mom damay xamné ki soxla nako borom dako soxla booba nak damay obligé diko lacc damay obligé nak diko laccé lay nak laccé bi nak dafa am ay façon voilà mais dal en tout cas for amulo droit for lo xamanteni sombu importante la manam wala alal du importante la ba pare doko laccé voilà Est-ce que par exemple, té ak jambour mom kenn mënu ko jël ci mari fara wa mais dañ ko jox cadre pour nangam momu dem def leneen lu bokut ak lan ko wax voilà mi ngi melni rek ma jënd lolu tay ma jël 100 euros jox la na ma jëndal ma chemise sangam yow nga dem jënd pantalon amul benn jarign sa jënd gogo parce que dang may délo sama 100 euros wala nga jot demal jëndal mu benen chemise bima la wax lol kessa la c'est du pareil homme fam ñu mirasat ko kay légui tam comme la yu man sama keur né parti bi may nga ko pas tabax wa légui nak ah oyé kep wa né non dama Ibrahim rek mën nga tabax manam nak mën nga tabax rek mais na la ko do mën nga fé tabax wa légui moyé kep wa est-ce que bu ñu miras wa dañuy jël valeur Ibrahima tabax dañ ko ci dédé kenn du ko ci jël non légui boba lepp day annulé wu fék def ko won bay jamono yi ngay dund lepp ay annulé wu non tabax na ko do ah tabax na ba paré voilà légui tax dañuy dindi ah non wa si si moko mom lool tay moko mom fénam lu bok ci mira dédé lool kenn du ko ci bolé moko mom yefuma da dañu jënd ci mirage bi parce que ma bi valeur xaliss bi wala dañu ni dañ terre bi ci bop lolu dedet lolu lu ko neex dong la ci def parce que mom sou so mom dafa genn aduna waaw avant ko ko dañ ko tabaxal mais tabaxal kay moy may la rek parce que bat la yo xamantene lolu voilà yoy da fay day ni problème bi bari ci mirage ya yoy ah mais moko mom sama souf xana duma tabax ba fay ñu bëgg ko jël da fay pa dem gaay dañ ñu balu ñu tabax ñatt la ah waaw tabax ba fay ñu tok ni mali la waaw voilà lool bo roxoxu mi dañ ci wuté rahmatullah ndax waji ndax wa yeen seen fofu dafa xumbu torop ki dul julli te tay ko lay wax ndax bu yagge dañuy considérer waji ndax yéfer la wala du yéfer lool nak bo roxoxu mi rahmatullah alam dañ ci wuté li ëpp ci ñom dañ wax ne ñoy jumur hanafi maliki shafi ahmad ñom dañ ne du yefe wa julli la batay fi ak weddi waxul ne ñatt julli gi du fara manam fi ak weddi wul ne obligation ci mom mais bis bu jappé ne do obligation bo ba ne nek yefe amma hanabi la rahmatan dañ japp ne yefe la mais ala akul hal du yefe moy li nga xamne mom moy di gëna deugul inshallah wallahu a'lam su fekkene nak mom mo gëna tout manam li nekk ci bir mo gëna bari manam alcorane bi manam li nekk ci bir leneen lu dul alcorane mo gëna bari alcorane bi nekk ci bir ci ay manam ci li ci nekk contenu wa ci mémoire bi exactement bu boba dana dagal ma daan koy laal même bu fekkene awma japp ndax day taxaway téré tafsir yi da téré tafsir mën na ko laal parce que alcorane ga mo ëpp li ci bir comme ci tafsir jalaale manam leneen lu alcorane nek ñok ci bir and ak ne alcorane bi mi ngi ci complètement han voilà legui xal legui bu boba day dadi sauf que nak lama dul man moy duggu duggal ci wana bamou dess suma ragale ak ak fatam manam mo ñak ko daw voilà wa bismillah no anke bo yorul ñap mën nga ko sax jang alcorane ki amul jana ki amé janaba moko man ta jang ak ki amé mbeureuk mom mën ta jang alcorane mais mën nako deglu deglu gi mom ala kul hal man nako ya ma deggu ñu ne bu amu japp rosé man tout ci la ci me nga jang alcorane non lol dañ ni ki ki jangalé manam dafa amul droit de alcorane kessé ki nga xamantene non il faut ñu différencier entre ki amul japp ak ki amé janaba ak mbeur ki amul japp mom meuna té meuna jang alcorane mais dafa dul meuna té bu fekkenté na alcorane kessé la duko meuna té wala bok lim téré bi alcorane gi mo ci ëpp duko meuna té bamou dess soudé jangalé kat la wala kuy jang